Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin l'étude de l'hébreu sur Jésus supérieur à Aaron. Notre Père du ciel, nous te demandons que tu puisses nous diriger pour bien comprendre ce que les chrétiens de l'Épître aux Hébreux vivaient. Qu'est-ce qui s'était bien passé dans leur vie pour qu'ils puissent penser qu'il y avait d'autres choses supérieures à Jésus? Pour la plupart d'entre nous aujourd'hui, pendant qu'on pense à ça, on dit « Jamais, jamais je vais faire ça. Jamais je vais me détourner. » Mais nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta force pour persévérer jusqu'à la fin. Montre-nous, Seigneur, par les vérités, par des versets, par des textes, que Jésus est supérieur à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Supérieur à toutes les religions du monde, supérieur à toute la science que l'être humain peut avoir. Jésus est supérieur. Et c'est pour ça que nous voulons rester attachés à lui. Conduis-nous ce matin dans notre étude de la parole de Dieu. Amen. Nous avons commencé hier à regarder que Jésus était supérieur à Aaron. On a commencé à voir qu'était le rôle du grand sacrificateur dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Et on a vu ça à partir du verset 1. Hein? Nous allons relire ce texte 1 jusqu'au verset 10. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons vu hier qui était le sacrificateur et quel était son rôle, le souverain sacrificateur, je veux dire. Il était un homme choisi parmi les hommes pour faire le service auprès de Dieu, intermédiaire entre Dieu et les hommes. Tu avais le souverain sacrificateur là, qui offrait des sacrifices pour les péchés du peuple et les siens. En faisant cela, il démontrait qu'il n'était pas supérieur au peuple, il était comme le peuple, pécheur comme ceux qu'il servait auprès de Dieu. On a vu aussi qu'il avait été choisi parmi les hommes, ces souverains sacrificateurs, dans la famille d'Aaron, qui faisait partie de la tribu de Lévi. Personne ne pouvait être un grand sacrificateur, à part qu'il soit descendant de la famille d'Aaron. Maintenant, il va le comparer à Jésus. Pourquoi est-ce que vous voudriez aller retourner à un sacrificateur selon la famille d'Aaron, quand vous pouvez avoir Jésus comme souverain sacrificateur, et qui est d'autant plus grand que les autres. Que dit-il de Jésus comme souverain sacrificateur? Au verset 5, il dit, Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Jésus n'a pas décidé de se présenter au peuple de Dieu en disant, je suis, je vais être moi, le souverain sacrificateur, pour remplacer Aaron et toute sa famille. C'est pas lui qui a pris ça. Il a été destiné, il a été appelé, on lui a attribué cette dignité ou cette gloire de souverain sacrificateur de la part de Dieu. C'est Dieu. Mais il dit, il la tient de celui qui a dit, de celui-là, c'est Dieu. Et le verset qui est cité, c'est dans le psaume 2, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. À trois reprises, dans l'épître aux Hébreux, il va utiliser cela. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, je t'ai engendré, et il va parler quand il est souvent sacrificateur comme Melchisedec. Il en a parlé aussi comme étant au-dessus des anges. Quand il a parlé que Jésus est au-dessus des anges, il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré, aujourd'hui assis-toi à ma droite, je vais faire de tes ennemis ton marchepied. Ici, devant le souverain sacrificateur, il dit, je t'ai engendré, tu es mon fils. Et à cause que tu es mon fils, il dit au verset 6, en plus, il a dit ailleurs, je vais faire de toi un sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Donc, juste dans ces deux versets-là, on voit déjà qu'il y a quelque chose qui se passe qui va devenir que ce sacrificateur-là, ce Jésus-là, est plus grand que l'autre. D'abord, il n'est pas choisi parmi les hommes. Il est un homme. Mais il l'a choisi, il l'a établi comme souverain sacrificateur lorsqu'il lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, il a choisi parmi les hommes, son fils, qui s'était incarné, qui était mort, qui était ressuscité, qui remonte au ciel, et Dieu lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, automatiquement, il le met au-dessus de Aaron, du fait qu'il a été choisi, non pas seulement parmi les hommes, mais étant le fils de Dieu, qui était devenu un homme. Et il lui dit aussi au verset 6, tu vas être sacrificateur pour toujours. Je sais qu'on va voir au chapitre 7 que ce n'est pas possible pour les êtres humains. Ils sont souverains sacrificateurs seulement le temps qu'ils vont vivre. Ils vont être remplacés par quelqu'un d'autre. Mais Jésus, lui, va être établi souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. La plupart des gens qui sont pas habitués avec l'histoire des Juifs, qui sont pas habitués avec la Bible, mais qui sait que ça leur dit zéro. Mais pour les Hébreux qui entendaient cela, ils connaissaient l'histoire juive, ils connaissaient cette histoire de Melchisedec avec Abraham, donc ils savent, je crois qu'ils savent, en général du moins, surtout les autorités, ils savent que Melchisedec avait une place privilégiée dans l'histoire du peuple d'Israël. On va y revenir au chapitre 7, cette histoire de Melchisedec-là. Mais ici, il le différencie. Ça va être mon fils, il va être sacrificateur pour toujours, non pas selon Aaron, mais selon Melchisedec. Un autre sorte de sacrificateur, spécial, différent, supérieur à l'ordre des sacrificateurs selon Aaron. Mais surtout, ce qu'il est en train de vouloir présenter ici, c'est sa supériorité au sacrificateur, surtout à cause du verset 7 jusqu'à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, voyez-vous, pendant qu'il était dans la chair en tant qu'homme, avant ça, il faisait pas ça, mais pendant qu'il était homme, n'oublions pas ça, c'est pendant qu'il était homme, dans les jours de sa chair, il a présenté avec de grands cris, avec les larmes avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc, on pense tout de suite au jardin de Gethsémané. Parce qu'on le voit pas ailleurs, offrir avec grands cris et avec prières des supplications à Dieu pour qu'il sauve de la mort. C'est surtout dans Gethsémané qu'on le pense, là. et il a été exaucé à cause de sa piété. » Là, on dit, ben voyons, Jésus est mort pourtant. Mais je crois pas que l'auteur est en train de dire, c'est qu'il priait pour ne pas mourir physiquement, mais qu'il le sauve de la mort, qu'il le sauve des conséquences de la mort. La mort qui séparait de Dieu, la mort autant physique que spirituelle, qui, si elle n'est pas vaincue, cette mort-là, si l'être humain n'est pas sauvé de la mort, dans le sens général des choses, il ne peut pas être avec Dieu. Mais il le sauve de la mort et de ses conséquences. Et le verset nous dit, il a été exaucé. Donc, on peut être sûr que la mort qui parle de là, c'est que c'était pas que Jésus a prié pour ne pas mourir physiquement, parce qu'il est mort physiquement. Mais l'auteur ici, il a été exaucé. Donc, la mort dont il parlait était plus large, à moins qu'on parle, il a été sauvé de la mort physique seulement, parce qu'il était ressuscité. Mais je crois qu'il a été exaucé dans le sens large. Il n'est pas mort spirituellement, dans le sens qu'il n'est pas resté mort, ni spirituellement, ni physiquement. Il dit qu'il a été sauvé de la mort à cause de sa piété. Et là, il y a différentes façons de traduire. Il y en a qui traduisent à cause de sa crainte qu'il avait de Dieu, à cause de sa soumission à Dieu, à cause du respect qu'il avait pour Dieu. C'est à cause de ça. Mais ça le met à part d'Aaron. Aaron, lui, est obligé de faire des sacrifices pour lui et pour le peuple, parce qu'il est aussi pécheur. Jésus a été sauvé de la mort, et Dieu a exaucé sa prière, afin que la mort ne soit pas vainqueur sur lui, parce que lui n'a pas commis de péché. À cause de sa piété, à cause de sa soumission, à cause du respect qu'il avait de Dieu, à cause de son obéissance, certains traduisent. Donc, il n'est pas comme les autres sacrificateurs qui, eux autres, ont eu besoin d'offrir des sacrifices pour leur propre péché et pour le peuple. Jésus, c'est va être beaucoup plus supérieur parce que lui est un sacrificateur parfait. Lui est sans péché. Lui a vaincu la mort. Lui était exaucé. Parce qu'il était sans péché, à cause de sa piété, de son obéissance, de sa crainte de Dieu, de son respect de Dieu, de sa soumission à Dieu. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça ne veut pas dire que Jésus a déjà été pour un temps désobéissant, parce qu'il a été pécheur. OK? Donc, l'obéissance ici, c'était pas une obéissance morale. Il a appris, bien qu'il soit fait l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, c'est à travers la souffrance, à travers cette vie humaine, pendant qu'il était dans la chair, il a appris l'obéissance, parce que avant qu'il soit dans la chair, il n'avait pas été tenté. Maintenant qu'il est dans la chair, il a été tenté, mais il a appris l'obéissance, il a obéi jusqu'à la fin, sans péché. Et ça fait quoi, verset 9? Ça l'a élevé à la perfection. Ça l'a emmené à la perfection. On avait vu ça un peu dans le chapitre 2. Était élevé à la perfection. Perfection, ça veut dire que ça l'a rendu apte, ça l'a rendu parfait pour accomplir son rôle de souverain sacrificateur. Il a été élevé à la perfection, il a été rendu apte, il a été rendu parfait, il a été rendu complet pour faire son rôle de souverain sacrificateur. Il est devenu, le verset 9b, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc, par le fait qu'il s'est fait chair, par le fait qu'il a prié et que crié et que demandé à Dieu de le délivrer de la mort et qu'il a été exaucé à cause de sa piété, il a été rendu parfait comme souverain sacrificateur, il va pouvoir maintenant intercéder envers les pécheurs pour leur salut éternel. Nous avions besoin d'un sacrificateur parfait pour jouer un rôle de ce souverain sacrificateur parfait. Il a joué son rôle parfaitement. Et il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Ici, ceux qui obéissent à Jésus vont avoir un salut éternel. Ceux qui ne lui obéissent pas et qui le rejettent et qui le repoussent et qui le mettent de côté et qui s'en vont, retournent à la loi, retournent au sacrifice dans le temple et qu'ils vont, qui dénient Jésus, qui poussent de côté Jésus, qu'ils foulent, comme dit chapitre 10, qu'ils foulent aux pieds Jésus et son sacrifice, pas de salut éternel pour eux autres. Donc l'auteur dit aux Hébreux, faites un choix là, soyez sages là. Est-ce que vous voulez avoir un sacrificateur imparfait? Qui ne peut pas vous sauver, vous donner un salut éternel, parce qu'ils sont des pécheurs comme vous? Pourquoi pas rester attaché à Jésus qui est un sacrificateur parfait, qui était sauvé de la mort à cause de sa piété, qui était obéissant à Dieu en toutes choses, et par cela est devenu lui-même un sacrificateur parfait pour intercéder auprès de Dieu pour le salut éternel de ceux qui lui obéissent. Pourquoi est-ce que Jésus est-il un souverain sacrificateur supérieur à Aaron? Sans péché, parfaitement obéissant, souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Donc, on peut pas à un moment donné se tromper et dire, ben Jésus, ouais, mais il est plus là. Oui, il est sacrificateur pour toujours. Et ce, dans ce temps-là, comme aujourd'hui encore, si on obéit à Jésus, on a un salut éternel. Par le mot obéissance ici, je pourrais remplacer par le mot croire, parce qu'il ne veut pas dire c'est obéir aux 10 commandements. Là, on va avoir le salut éternel. C'est obéir à lui, ce qu'il a dit, ce qu'il a prêché, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a dit au sujet de lui-même, ce qu'il nous a encouragé à faire. Repentez-vous et croyez en moi, que celui que Dieu a envoyé. Obéissez-moi et vous allez avoir un salut éternel. Quel grand sacrificateur nous avons en Jésus, notre Père du ciel. Oh oui, ça nous prenait un sacrificateur parfait comme cela. Tout autre sacrificateur était voué à la difficulté, à l'échec, à la faiblesse. Oh Seigneur, quand nous lisons l'histoire des souverains sacrificateurs d'Israël, on les voit pervers des fois, méchants, égoïstes, égocentrique. Et Dieu dit, vous avez pas à cœur mon peuple est sans brebis, est égaré parce que on prend pas soin de lui. Ils se sont pas souciés du peuple sur lequel avait été établi. On voit même les deux autres sacrificateurs qui ont pris de la place de leur père Aaron, les deux fils d'Aaron, ils meurent devant ton autel parce qu'ils ont fait le contraire de ce qu'ils avaient demandé. Mais Jésus, notre sauveur, a été obéissant totalement, parfaitement et jusqu'à la fin. Tu l'as exaucé. Il n'a pas connu la mort parce qu'il a été parfait. Il a été parfait en toutes choses. Et ainsi, il est devenu pour nous un souverain sacrificateur parfait. Nous te glorifions, notre Dieu, pour avoir mis en place ce souverain sacrificateur, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.